Saint-Pierre des Corps, Saint-Pierre des Corps, de Laetitia Bianchi. Avec les élèves du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Quatrième épisode. Mes frères, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente !» Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Souvenez-vous, mes frères, Corinthiens 10, verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. » La délivrance de la tentation, c'est d'avoir la force de la supporter et de la traverser. C'est cela, la délivrance. Souvent, nous pensons, confrontés à une tentation, « Seigneur, enlève-la !» Mais la porte de sortie de la tentation, mes frères, c'est d'être dans la patience jusqu'à ce que les forces divines nous aident à la vaincre, en la traversant. Oh, toi qui parades avec ton minolta, crois-tu constituer une tentation pour moi, pickpocket de mon état ? Non, pickpocket, tentateur je ne suis pas. Laisse-moi être le digne représentant du touriste, un homme parmi les autres. Oh, tentateur ? Mais c'est que je vois un billet sous le plan de métro qui dépasse de ta poche, et tes yeux qui regarde le meneur de groupe avec son parapluie jaune et votre groupe qui s'éparpille comme un essaim de mouches. C'est trop tentant, vraiment. Te rendrais-tu seulement compte, ressentirais-tu le moindre manque si ce billet à une seule décimale disparaissait de ta poche arrière droite? Je m'en rendrais compte, pickpocket, par la grâce des annonces sonores de la RATP qui m'enjoignent à ne pas outrepasser mes devoirs de riche. Être attentif à mes biens, les thésauriser comme autant de trésors, et puis surtout, ne pas te tenter toi. Mais, tentateur, si tu ne te distingues en rien du pauvre et du prudent, qu'est-ce qui motivera mon travail quotidien ? Le hasard, pickpocket. L'annonce sonore de la RATP t'incite à faire confiance au hasard, et à ne pas me voler, moi, plus qu'un autre. Mais alors, tentateur, alors, tel l'Afcadio, gérerai ? Tel l'Afcadio, je ne prendrai plus que des métros pour Rome. Et alors, qui serait mon Amédée fleurissoir? Qui serait ma proie? Je serais comme le chasseur me disant « Aujourd'hui je chasse, je verrai bien qui ». Et alors, tentateur, ce serait le choix le plus injuste entre tous de voler le pauvre ou le riche les yeux fermés? Non, pickpocket, ce serait le choix le plus moral, car cela serait égal, et le plus loyal, car c'est la RATP qui te le demande. Et c'est la RATP qui te nourrit en te fournissant ton public quotidien. On ne dit pas public, tentateur. Sauf lorsque le pickpocket exerce en tant que prestidigitateur dans une salle de spectacle. Non, entre nous, on vous appelle nos clients. Vous êtes les clients de notre regard. Vous êtes les clients de notre don inné d'observation, de notre agilité pianistique, de notre travail de comédien. Nulle part, l'égalitarisme philosophique du chemin de fer parisien n'est invoqué dans le manuel du parfait pickpocket. Le pickpocket est là pour percer à jour, telles les machines à rayons X des aéroports, les cavernes d'Ali Baba que sont les multiples poches des voyageurs. Le pickpocket est à l'avant-garde de la mode, connaissant sur le bout de ses doigts qu'il rend plus sensibles en les frottant avec du papier de verre, tous ces compartiments des vêtements que l'on appelle les poches. Poches plaquées, poche fendue, poche passepoilée, poche cavalière, poche italienne, poche américaine, poche briquet, poche zippée, et les types de points qui facilitent ou non leur ouverture. Le pickpocket est là pour dénicher sous le pull le faux ventre, répondant au vulgaire nom métaphorique de banane. Vous, par exemple, vous portez une banane? En effet. Un petit sac à ventre. Et vous croyez que je ne le vois pas? Les hommes courent sur des tapis roulants et sitôt acquis leur ventre svelte et leur taille de faux bourdon, ils le redoublent d'un objet appelé banane. Oh, mais je vous repère. Vous, les faux gros, riches en dollars, avec vos poignets fins et votre embonpoint qui ne se retrouve pas dans les joues. La banane. Rien à voir avec le ventre à bière qui donne le regard vague. Non, le maigre à l'air ahuri qui porte une banane, on le reconnaît entre mille. Souvenez-vous des sages paroles des sites d'agences de voyage. Les cibles préférées des pickpockets sont les touristes qui semblent bien fortunés, naïfs et un peu perdus. Un premier conseil donc, si vous partez en voyage, ne laissez pas voir si vous êtes perdu. Il devrait faire une annonce. Pour votre sécurité, n'ayez pas l'air naïf, n'ayez pas l'air gentil, n'ayez pas l'air perdu. N'ayez pas l'air perdu. Ou si, justement, ayez l'air perdu. Perdez-vous tout le temps. Laissez votre argent dans vos poches. Laissez-vous tenter par l'idée de tenter les pickpockets. Souvenez-vous que le travail du pickpocket est un art complémentaire de la prestidigitation, de la distraction, de la conversation, de la séduction, parfois. Beware, cuidado, artum. Prenez garde. Ne tentez pas les pickpockets, ne tentez pas les pickpockets, ne tentez pas les pickpockets, ne tentez pas les pickpockets, ne tentez pas les pickpockets. C'était Saint-Pierre des Corps, Saint-Pierre des Corps, de Laetitia Bianchi, quatrième épisode, avec Nassim Hadouche, Étienne Dureau, Antoine Sarrazin et la voix de Marlène Goulard. Bruitage, Sophie Bissans. Prise de son, montage, mixage, Éric Boisset, Manon Houssin. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, Laure Egoroff.